C'est le temps du bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et c'est aussi le temps de l'émission où ce que je me sens de plus en plus comme un enfant dans un magasin de bonbons à Saint-Saëns. Écoutez, c'est merveilleux. Moi, à chaque fois que je reçois des nouvelles chansons, je suis excité, je suis heureux de partager ça avec vous, chers auditeurs de Canrock. Cette semaine, on va commencer ça avec Postscript. Postscript, qui est un duo de l'Alberta, je pense, sont d'Edmonton. C'est Paul Cournoyer et Stéphanie Blais qui nous proposent une nouvelle chanson. Je ne sais pas si l'album s'en vient très, très bientôt ou à l'automne. On va mettre un homme là-dessus à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais la chanson qu'on nous propose, c'est « Vie sans regret ». C'est dans le mood Postscript, de la bonne pop bien réalisée, bien construite, de belles mélodies, de beaux textes. Donc, Postscript, vie sans regret, ça s'en vient dans quelques instants. Par la suite, on va entendre une nouveauté qui, bon, ça fait peut-être une semaine ou deux que je la tourne. Et à chaque fois que je l'entends, c'est tout simplement, je suis parti là, dans le mood de la chanson. C'est My Boo, version francophone, de l'auteur-compositrice-interprète René Lamoureux, qui, elle est de la région de Winnipeg au Manitoba. Assez intéressant, merci. Si vous aimez le country, country folk, country américain un peu comme style, assez puissant avec de la bonne batterie, la bonne guitare et des refrains très accrocheurs, eh bien, René Lamoureux va sûrement vous faire plaisir. Elle aussi, je ne sais pas s'il y a un album francophone qui s'en vient à un moment donné, mais ça fait plusieurs chansons francophones qu'elle nous offre. Avec plaisir, on va la faire tourner. Mais pour l'instant, voici Postscript, Vie sans regret. Savais-tu que notre amour était parfait? Comme la terre et le ciel, on était toujours au point de franchir l'horizon. Comprends-tu que ce qu'on était a changé? À jamais ce moment est parti, comme la qui s'échappe d'un ballon. Sans regret, tu verras que s'inquiéter ne vaut pas. Le temps, l'énergie, le sort sur nos vies, le poids et la peine, le sang dans nos veines. Malléable comme l'eau entre tes mains. Et maintenant, tes démons sont rendus invisibles. Tout ce que tu veux est possible, comme si chaque étoile illumine ton chemin. Que s'inquiéter ne vaut pas. Le temps, l'énergie, le sort sur nos vies, le poids et la peine, le sang dans nos veines.